que nous sommes. La barbe. Pire ale, lime ou framboise. Blanche ou mûre. Parce que nous sommes. La Barberie. India Pale Ale. Stout Imperial. Cuivré ou thé. Brasse Camarade. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Alors bonsoir et bienvenue, amateurs de rock progressif, c'est l'émission Terra Incognita, cette émission consacrée aux nouveautés rock progressif et on parle souvent aussi de groupes des années 70 qui sont encore actifs aujourd'hui. Alors ce soir vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et aux interventions microphoniques. Alors, donc, on va débuter ce soir avec deux musiciens qui faisaient partie, et il y en a qui font encore partie, de groupes légendaires dans le rock progressif, justement. Il s'agit de Chris Squire, qui est de Yes, et de Steve Hackett, qui était dans Genesis, qui ont travaillé ensemble et sur un projet. Alors, ça vient tout juste de sortir et ça s'appelle Squacket. Donc, Squire Hackett, Squacket. Et oui, c'est Bruno, il est parti à rire. Oui, S-Q-U-A-C-K-E-T-T, donc Squire Hackett. Squacket. L'album s'intitule A Life Within a Day. Alors, on va débuter ce soir avec la pièce éponyme de cet album-là. C'est un album. Ben, la pièce que j'ai choisie, c'est pas mal, je dirais, la plus punchée ou rock. Ouais, quand même punché, si on veut. Il y a beaucoup de pièces qui sont assez plus atmosphériques, si on veut. Peut-être pas atmosphériques, mais en tout cas, disons que. Puis on reconnaît beaucoup, beaucoup, je trouve, l'influence de Steve Hackett. On reconnaît beaucoup la musique de Steve Hackett, plus que de Chris Squire, j'ai trouvé. Mais j'ai seulement une écoute et quelques, parce que ça vient tout juste de paraître. Donc, Squacket d'abord, et ensuite, on va aller en Italie. On n'ira pas en Italie, on va rester à Québec, mais on va écouter de l'Italie. Avec Alpha Taurus. Alpha Taurus est un groupe qui a fait deux albums en 1973 et qui est disparu après ça mais qui est devenu un groupe légendaire dans le rock progressif italien et ils se sont réunis en 2010. Ils ont fait un festival qui s'appelle Progvention et donc ils ont enregistré ça le 6 novembre 2010. Ça s'intitule Alpha Taurus Live in Bloom et Alpha Taurus, ben, ils sont actifs, ils viennent de faire un DVD et ils seront aussi au Firefest, j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission, qui est au mois d'octobre au Delaware. Alors on va écouter une pièce de Alpha Taurus, Peccato d'Orgoglio, mais tout d'abord on débute avec Squacket. Thank you. Non farlo sarebbe stato solo un peccato d'orgoglio. He said. Thank you. J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL, c'est la meilleure au monde. Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL, coule bien en bouche. Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons. Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière La CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 500 3e avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien vous pouvez aussi la savourer au bal du Lézard ou au bar Le Sacrilège. De toute façon, la CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi. Osez l'autre cirque. Le festival Jour de cirque jusqu'au 10 juin, le seul festival de la ville de Québec consacré entièrement aux arts du cirque. Les 9 et 10 juin, 15h, voyez Flip Fabrique, une jeune et lumineuse troupe de Québec qui vous entraîne dans l'univers de la jonglerie et de la manipulation d'objets. Flip Fabrique, au parc de Lanse-à-Cartier, entrée gratuite. jourdecirque.ca. CKRL tiendra une activité de financement importante pour la station lors de la soirée de la fête nationale le samedi 23 juin à 20h. En partenariat avec les grands événements de la Ville de Québec, CKRL a le mandat pour une deuxième année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables et nous souhaitons votre participation pour l'occasion. Comment participer? Inscrivez-vous sans plus tarder à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Le samedi 23 juin, on marche et on recycle collectivement. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. CKRL, Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. Parce que nous sommes La Barberie. Parce que nous sommes La Barberie. Parce que nous sommes différents. Parce que vous êtes sur les ondes de CKRL et c'est l'émission Terra Incognita. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était un groupe italien, Stereo Kimono. C'est un groupe qui a été formé en 2000. C'est leur troisième disque intitulé Intergalactic Art Café. Et c'était la pièce Rebu, Part 2, La Metafora. Alors, c'est une pièce qui est en trois parties. C'était la pièce en... Oh non, c'est en quatre parties. Alors, c'est un album qui a beaucoup de pièces instrumentales. Celle-là est chantée. Il y en a trois qui sont chantées sur 10, je crois. Et c'est pas mal bon. Il y a plusieurs autres pièces intéressantes sur ça. C'était une courte, mais il y en a des longues qui sont très bonnes aussi. Et vous aurez certainement l'occasion d'en réentendre éventuellement dans d'autres émissions. Juste avant, il y avait Alpha Taurus. Alpha Taurus, je ne sais pas si vous avez entendu au début, ils ont dit le nom du groupe. Tiré de Live in Bloom et la pièce Peccato d'Orgaglio. Et c'est le bloc musical et l'émission avait débuté avec Squacket de Chris Squire et Steve Hackett. A Life in a Day. Alors, on poursuit maintenant deuxième bloc avec encore de l'italien et aussi on parlera de groupes qui seront bientôt au Nearfest. C'est du 22 au 24 juin prochain. Ça se passe en Pennsylvanie. C'est le dernier Nearfest. Apocalypse. Il y aura là-bas Vandergraaf Generator, Anglagard. Il y aura un nouvel album d'Anglagard d'ailleurs qui va sortir intitulé Viljan Oga. On se rappelle qu'Anglagard avait fait paraître Ibris en 1992, qui avait été un des excellents albums des années 90 dans le rock progressif, et Epilogue en 94, qui a fait moins de vagues, si on veut. Alors, il y aura Anglagard, il y aura Renaissance aussi, et Renaissance donne un spectacle, d'ailleurs, ici, le 11 octobre, à Montréal, au Jésus, et il y aura Jérôme Langlois en première partie. Donc de Renaissance, et on aura la chance de les voir au Near Fest. Il y aura Twelfth Night, qui est une reformation d'un groupe britannique. Le chanteur est décédé, mais ils ont quand même fait un retour hommage, si on veut. Il y aura aussi Gösta Berlings Saga de la Suède, Aranis. Il y aura Helmet of Gnats. On en entendra peut-être une pièce dans l'émission tantôt, si le temps le permet. Et Mike Kennedy Band. Alors ça se passe au Near Fest. Il y a aussi bientôt le 18 juin ici à l'Impérial Marillion. Il y avait un article aujourd'hui sur Marillion dans le soleil. Marillion se rappelle des bons moments en 86 où ils avaient fait la première partie de Rush au Colisée. C'était la tournée Power Windows et Rush. Je pense que bon, Marillion avait presque volé la vedette. Les gens étaient très enthousiastes. Ils étaient revenus l'année suivante comme partie principale, là, finalement. Ça les a mis sur la map pas mal, Marillion. Alors, donc, le 18 juin à l'Impérial. Donc, on y va avec Fabio Zuffanti. Vous connaissez ce Fabio qui est dans plein de projets. Il avait fait un opéra rock double CD en 2000, intitulé Merlin, et ça vient d'être réédité en version remasterisée. Donc, c'est avec la chanteuse Victoria Hayward, mais la pièce qu'on va entendre ici, c'est Ouverture, donc on n'y a pas encore tous les personnages. Dans ça, il y a 7 personnages qui sont interprétés par des chanteurs différents. Alors, c'est un gros opéra rock. On entendra la pièce Ouverture, et ce sera suivi de Il Tempio delle Clessidre, qui seront du Near Fest le 23 juin prochain, dans 2 semaines. On ira avec la pièce Insolita parte di me. Et oui, donc. Ensuite, il y aura aussi du Storm Corrosion pour finir le bloc. Mais d'abord, allons-y avec Fabio Zuffanti, Merlin. Thank you.

for your sin. You're to suffer. Here it begins. Drag ropes forward, shame will save you. Out moves inward, turn on the screw. Thank you.

En partenariat avec les grands événements de la Ville de Québec, CKRL a le mandat pour une deuxième année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables et nous souhaitons votre participation pour l'occasion. Comment participer? Inscrivez-vous sans plus tarder à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Le samedi 23 juin, on marche et on recycle collectivement. J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL, c'est la meilleure au monde. Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL, coule bien en bouche. Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons. Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière, la CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 500 3e avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien, vous pouvez aussi la savourer au Bal du Lézard ou au Bar Le Sacrilège. De toute façon, la CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi. CKRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Pourquoi La Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. Wow. En vente chez tous les bons marchands. De retour avec Bruno et Marc. Et ce qu'on a entendu juste avant, c'était Storm Corrosion. Alors, c'est le projet de Michael Ackerfeld et Stephen Wilson. Ça a été enregistré en 2010 et 2011. Et c'était la pièce Drag Ropes, donc de Storm Corrosion. Mais évidemment, c'est leur premier disque. C'est un beau disque. Jean-François vous en a fait jouer une autre pièce la semaine dernière. Juste avant, on avait eu beaucoup d'Italiens, et dont je vous parlais de Merlin tantôt avec Fabio Zuffanti. En fait, il y a sur ça 8 personnages et il y a un chœur de 17 chanteurs. Et non, c'est une belle réalisation avec la remercialisation, ça vaut la peine d'être écouté. Alors, on parlait de spectacles tantôt, il y aura des spectacles intéressants à Québec qui s'en viennent, qui m'intéressent tout particulièrement. Vandergraft Generator, le 2 juillet, au Palais Montcalm, et ainsi que le 3 juillet, dans le cadre du c'est la salle Maisonneuve, dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal. Et d'ailleurs, Vandergraft Generator, il y aura un nouvel album intitulé Alt, A-L-T. C'est un album expérimental. Ben, expérimental, si on veut, c'est enregistré. C'est des improvisations entièrement instrumentales. Ça sortira le 25 juin, donc cet album de Vandergraft. Il y aura également l'album d'Anglagarde qui va sortir au mois de juin, probablement vers la fin juin. Ça fait tellement d'années que les gens entendent ça qu'on... On va finir par le voir. Il y en a déjà des gens qui l'ont entendu. Parlant spectacle, il y aura aussi Red Sand qui présente Behind the Mask, leur nouvel album, le 4 octobre au Centre d'art La Chapelle. Il y a aussi Arena qui seront à l'Impérial avec Mystery en première partie le 10 novembre. Et il y a aussi, on parlait de Rush tantôt, qui avait joué avec Marillion. Rush vient juste de faire paraître un nouvel album. Un album intitulé Clockwork Angels, et ça les amènera à Montréal, au Centre Bell, le 13 octobre. Il y aura aussi le groupe qui fait du Gentle Giant, Three Friends, qui seront en spectacle le 5 octobre au Palais Montcalm. On va y aller en musique, comme on aime beaucoup la musique, avec Renaissance. Renaissance qu'on a pu voir au festival d'été ici, on a été chanceux il y a quelques années. Et cette nouvelle pièce, The Mystic and the Muse, on aura la chance de les voir donc dans 2 semaines au Nearfest. Alors on en profite pour écouter une pièce de ce groupe merveilleux des années 70 qui est toujours actif et qui a toujours cette même énergie. Et ensuite, on ira avec Io Earth, tiré de Moments, leur plus récent album, avec la pièce Live Your Life Part 2. Et on ira aussi avec, comme je l'avais annoncé tantôt, Helmet of Gnats, tiré de High Street, et ce sera la pièce Tsunami. Alors, tout ça, on y va en musique. Si vous voulez voir exactement ce qu'on fait jouer, allez faire un tour sur CKRL, donc ckrl.qc.ca, dans la section programmation, et allez le samedi soir, cliquez sur ça, vous aurez les liens pour les podcasts, ainsi que les feuilles de route, donc tous les contenus musicaux des émissions. Alors, on y va tout de suite en musique avec Renaissance. And the muse from the mystic.

Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Du 14 au 17 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec le Festival de la chanson de Tadoussac. Un festival qui vous offre cette année la possibilité d'allier économie et écologie. Une navette partira pour Tadoussac de la gare centrale de Québec vendredi 15 juin à 12h15. Le retour vers Québec se fera dimanche 17 juin à 13h15. L'aller-retour est à 50$ par personne ou 30$ pour l'aller ou le retour. Informez-vous au 1-866-861-4108. Une invitation de la bière Belle Gueule. CKRL tiendra une activité de financement importante pour la station lors de la soirée de la fête nationale le samedi 23 juin à 20h. En partenariat avec les grands événements de la Ville de Québec, CKRL a le mandat pour une deuxième année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables et nous souhaitons votre participation pour l'occasion. Comment participer? Inscrivez-vous sans plus tarder à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Le samedi 23 juin, on marche et on recycle collectivement. 89 ans. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. CKRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Lorsque je combats les envahisseurs de l'espace, j'aime bien boire une bonne bière de La Barberie. Et vous, quel est votre moment Barberie? Stout Impérial, la sangribière. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Alors, de retour avec Bruno et Marc. Et ce qu'on a entendu juste avant, c'était Nexus, tiré de l'album Hair, qui est leur plus récent album. C'était Il Fuego de la Ciudad. Et j'avais plutôt annoncé Helmet of Gnats, mais faute de... Mais avec la contrainte de temps, on a changé de pièce. Donc, j'ai interverti les pièces. Donc, on ira pour la prochaine pièce avec Helmet of Gnats, tiré de High Street, avec la pièce Tsunami, un groupe qu'on aura la chance de voir au Nearfest, puisque c'est un petit spécial Nearfest ce soir, vous comprendrez que j'ai pris plein de groupes qui vont jouer là-bas. Et ensuite, on écoutera Mathieu Fizet, qui est un pianiste de Québec qui a participé à beaucoup de projets intéressants. Et son plus récent album, Robo Jazz, et on écoutera la pièce Indiana Jones et le Cirque des Sables, de Mathieu Fizet. Alors, on y va tout de suite en musique et on va probablement terminer ça avec Lazuli, donc tiré de le plus récent album 4300 battements. Allons-y tout de suite d'abord avec le groupe américain Helmet of Gnats. Tribulación collé au mur. Détail, oui mais de taille, je suis la ripaille de cette muraille. C'était le groupe français Lazuli, tiré de leur plus récent album, intitulé 4603 battements. Entre parenthèses, fermez la parenthèse, trois petits points, c'est ce qu'on voit sur la pochette. Et c'était la pièce L'Azur. C'était précédé de Mathieu Fizet, c'est un artiste de Québec, son plus récent album, Robo Jazz. Et c'était la pièce Indiana Jones et le Cirque des Sables. Alors, c'est ce qui met fin à l'émission pour ce soir. Je voulais vous parler aussi d'un super festival qui va avoir lieu. On en a déjà parlé, le Farfest. Ça se déroule les 4, 5, 6 et 7 octobre 2012. Alors, prochain, à Wilmington, au Delaware. Et il y a une panoplie de groupes des années 70 qui se réunissent là. C'est absolument incroyable de voir tous ces groupes-là. Alpha Taurus, donc, qu'on a entendu ce soir. Il y a Anecdoton. Il y aura Atoll, un groupe français. Cathedral, un groupe américain qui a fait un super album. Cressida. Il y a Latte e Miele de l'Italie. Locanda de la Fate de l'Italie. Il y a Maxophone, Mesquita du Mexique, Pulsar, SBB de la Pologne, Shylock, hein, wow, et Wobbler. Alors, tout ça au Farfest, et il s'agit de faire F-A-R-F-E-S-T tout d'un mot sur votre outil de recherche. Si vous voulez procurer des billets, c'est un package, là, ça coûte environ 250, puis tu peux voir tous ces groupes-là. Il faut se rendre là-bas, mais c'est à environ 10 heures de route. Alors, il faut être décidé. Alors, donc, c'était Marc Chaunet et Bruno Côté avec vous pour cette édition de Terra Incognita. Alors, on vous laisse tout de suite avec l'autoroute, et ce sera Bruno qui débute avec un choix musical ce soir, jusqu'à ce que Stéphane arrive à environ 00h30. Et donc, on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.